magie de l'imaginaire enfuie, des souvenirs et espoirs enterrés, courant d'amour centrifuge au cœur transfuge des années, nuit des voluptés au sourire dédaigneux de l'Aphrodite brisée, ouvrir des cris étouffés de rage, rêves confiés à l'anonymat des pierres, au hasard des silhouettes fugitives, des alcôves prostituées, de papier griffonné qu'on glisse sous une porte, sous un oreiller. Le fin pinceau de lumière derrière l'enfant rejeté, l'exclu, le congédié à la fête de la vie, surprend le reflet d'un visage aimé sur les cratères des reins, les bacchantes dansent autour de leur folie, bannies des temples et pourtant plus vivantes, mystiques dénudées que l'ivresse du mage libère de toute pudeur. Éclipse des sens, la douleur ne se connaît plus. Hors de l'espace où la lumière suffoque, ce qui a respiré là se dissipe doucement, efface ses traces. Appuyé avec mon fantôme sur les roches aux formes humaines, avec pour seule compagne la plaque d'un vent fou sur une violette de montagne égarée sous l'orgie d'étoiles, mes souvenirs se coursent que le monde interdit, le monde aux mille marteaux sur les crânes soumis à l'oppression bestiale. Silence d'épinelle, soyez douce à mon sommeil, où les phrases se lorent et s'enroulent avec l'entier devenir des choses. Autre moi que je fus et ne suis plus, comme déchu, cher Sigismond de mon rêve, reine destituée d'illusions et de miracles d'autres mondes, d'autres temps, où le sorcier vainqueur dansait sans crainte son extase priapique au goût de raisin frais dans la bouche de l'enfant pauvre. Poème de Nina.